L'intelligence de se reconnaître face au plan. Il est nécessaire pour l'homme de se reconnaître dans son intelligence face au plan, sinon sa liberté n'est qu'illusoire. Une réalité vibratoire dans l'intelligence est de permettre à l'homme d'élever sa liberté et de se reconnaître. Qu'est-ce que se reconnaître? Se reconnaître, c'est participer totalement à la réunion des sphères dans sa conscience qui établit que l'homme n'a pas à se soumettre à aucune volonté autre que la sienne. Mais pour en arriver à cette réalité vibratoire, il faut à l'homme la volonté de se traverser. Et pour se traverser, il doit se connaître. Qu'est-ce qu'il doit connaître? Il doit connaître la façon et la manière dont agit l'astral en lui, et il doit aussi savoir le temps que cet astral prend et prend forme dans sa conscience lors d'une journée pour pouvoir ensuite l'épurer. Si l'homme n'est pas en mesure de reconnaître lorsqu'il est astralisé, il n'est pas en mesure non plus de reconnaître son intelligence. L'intelligence de se reconnaître face au plan est ce qui déterminera la liberté de l'homme, car sa seule liberté est bel et bien celle-là, soit qu'il n'a pas à quémander aux forces de la lumière la vibration dont il a besoin pour réaliser sa propre vie. Se reconnaître veut dire que l'homme est capable de construire son identité à partir d'une réalité qui n'est pas occulte, mais d'une réalité matière. Et dans la forme de cette réalité matière-là, l'ego se donne l'autorité de pouvoir exprimer totalement sa liberté. Comment est-ce que l'ego en vient à exprimer sa liberté? Eh bien, quand il se reconnaît dans sa vibration, c'est-à-dire dans son intelligence, l'ego devient libre des plans parallèles. Subtilement, les plans parallèles ont toujours eu une grande influence sur la vie de l'ego et sur la vie de l'homme parce que cela répondait à l'agenda évolutif des sphères, soit de permettre la continuité de leur intelligence à créer des mondes et la Terre étant une réalité participant à l'évolution des sphères des mondes de la lumière. Mais l'homme n'avait jamais compris que cette réalité était aussi une source pour lui de liberté, car si la liberté ne vient pas à l'homme, elle doit être arrachée, parce que arrachée est la plus grande capacité pour l'homme de se reconnaître. Si l'homme n'arrive pas à arracher des réalités pour construire sa vie comme il entend, il ne sera jamais libre. Et que les forces de la lumière peuvent-ils retenir contre lui pour l'empêcher d'être libre? Ils peuvent retenir plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ils sont aptes à ne pas lui donner l'information nécessaire pour qu'il évolue trop vite. Comment l'homme peut-il déterminer la courbe de son évolution s'il n'est pas libre? Il est impossible pour l'homme d'être libre s'il n'est pas capable de se reconnaître face au plan. Et pour se reconnaître face au plan, l'homme a besoin de savoir quelle identité et quel est le nom de sa liberté. Sa liberté étant toujours liée à ce que l'ego est capable de construire pour se donner la paix dans sa vie. Lorsque la paix n'est pas au rendez-vous, l'homme ne peut pas parler de liberté, parce que la tension psychique de créer dans la matière de la liberté ne vient pas de l'effort de l'homme, mais vient bel et bien de la capacité de l'homme à avoir arraché sa paix au plan de la lumière. Pourquoi est-ce que les plans de la lumière ont-ils retenu de l'information si longuement et pourquoi l'homme n'a-t-il pas été capable d'avoir la paix dans son mental dès la descente de son esprit dans son mental? Simplement que l'homme doit arracher et reconnaître ensuite qui il est lorsqu'il arrache. Qu'est-ce que veut dire arracher? C'est-à-dire que si une réalité dans une personne est maintenue pendant un long terme, c'est-à-dire une longue période, cela veut dire que l'homme n'a pas la colère et l'ego qu'il faut dans sa volonté pour arracher. Et arracher nécessite de la volonté mais aussi de l'intelligence. L'intelligence de l'intellect, évidemment, n'est pas celle qui s'adresse à l'homme. C'est l'intelligence de sa lumière dans l'homme qui lui permet de renverser tout ce qu'on ne lui dit pas. Comme, par exemple, si vous vivez une situation, il est certain que vous devez arracher cette réponse à la lumière pour avoir une réalité vibratoire qui vous permettra d'être dans la réalité de votre propre identité prépersonnelle. Sans cette liberté d'avoir une identité prépersonnelle face au plan, l'homme n'est jamais libre. Il subit toujours dans sa propre vie et le fil de sa réincarnation les volontés de la lumière qui, elle, est de le faire évoluer tout le temps. Donc, si la lumière veut faire évoluer l'homme tout le temps et que l'homme n'a jamais la paix, il ne peut pas se reposer car le rythme d'évolution n'est pas le sien, mais bel et bien celui de la lumière. Pour que l'homme arrache à la lumière sa liberté, il doit imposer sa paix, il doit imposer sa volonté, il doit imposer son verbe, c'est-à-dire qu'il doit parler à l'invisible d'une manière nette et précise, sans jamais baisser les bras. Certes, vous pouvez vivre des contrariétés et des retours d'énergie parce que vous êtes dans la volonté de défoncer des portes qui ne sont pas ouvertes. Mais n'abandonnez pas, car la suite des idées dans l'homme revient toujours à déterminer pour lui qu'est-ce qu'il veut accomplir. Et si l'homme décide d'accomplir ce qu'il voit de lui-même en lien avec la paix et la liberté qu'il veut établir, on ne peut pas lui retirer sa réalité. Le besoin réel étant dans cette réalité que l'homme a le droit d'inverser toute réalité provenant des sphères sur sa conscience. Certainement, cela ne se fait pas du jour au lendemain, et il y a aussi la capacité de la lumière à amener l'homme jusqu'au bout de ses dernières ressources pour qu'il brise sa réalité. Il arrive souvent, parfois, que des individus maintiendront une réalité pendant 5 ans, et c'est lors de la 6e année, alors qu'ils sont prêts à tout abandonner, que le projet à réaliser se mettra en forme pour la première fois d'une façon où l'ego pourra compléter celle-ci dans la matière. La plus grande responsabilité de l'homme est de se reconnaître dans sa vibration au cours de son évolution. L'évolution de l'homme étant toujours une réalité qui doit permettre à une conscience de se divertir dans la matière. Si l'homme n'est pas en mesure de se divertir, c'est-à-dire qu'il subit parce qu'il ne peut pas se créer des réalités qui lui permettront d'être libre et d'avoir la paix dans son mental tout le temps. Pour avoir la paix dans son mental, l'ego a besoin de 3 choses. Il a besoin de liberté, il a besoin d'intelligence et il a besoin aussi de détermination face à la volonté d'établir que son identité n'est pas interchangeable. Une identité cosmique est ce qui permet à l'homme de se reconnaître. Une identité égoïque est ce qui permet à l'astral de naître et de faire jouer dans la tête de l'homme les fibres spirituelles des mondes invisibles. Ces fibres spirituelles sont nécessairement que l'homme veut fusionner, mais que l'homme n'est pas apte à fusionner parce qu'il est trop dans sa tête, sujet à de la manipulation. Ne pas être manipulé, cela veut dire se reconnaître intégralement. Car aussitôt qu'une conscience est manipulée, elle ne peut pas se reconnaître et elle ne peut pas voir non plus le chemin qu'elle doit parcourir pour en arriver à être libre dans la matière tout le temps. Tout ce qui arrive à l'homme est destiné à une volonté plus grande chez lui, mais pour qu'il arrache cette destinée, il est obligé, l'homme, de converser avec la lumière d'égal à égal. Cela étant dit, l'homme n'a pas simplement le droit à l'erreur, mais l'homme a le droit tout simplement à savoir que lorsqu'il brise une réalité, même s'il s'agit d'un recul, il doit être en mesure de voir qu'il n'y a pas de défaut en lui et qu'il n'y a pas d'erreur dans sa conscience, même s'il ne réussit pas du premier coup à réaliser ce qu'il doit. L'intelligence de se reconnaître face au plan ne viendra jamais des plans de la lumière. Elle viendra de l'homme, et lorsque l'homme sera en mesure de pourvoir à sa réalité d'une façon complète, cela voudra dire trois choses. Il pourra être libre dans sa volonté à déterminer ce qu'il veut faire dans la vie, et aussi il pourra être libre à créer dans la matière de la paix et de la liberté pour son être. Ces deux éléments réunis sous un même toit lui permettront ensuite de participer pleinement à sa vie active, c'est-à-dire que l'homme est très conscient des formes et qu'il ne se laisse jamais avoir par l'astral parce qu'il se reconnaît intégralement sur tous les plans de sa conscience. Un homme qui se fait astraliser, une personne qui se fait astraliser, n'a pas la puissance qu'il se doit évidemment pour inverser cette astralité. Et comme elle ne se reconnaît pas assez, elle n'est pas en mesure de dire à la lumière ce qu'est sa volonté. Se reconnaître implique la capacité de l'ego à éveiller sa conscience à ce qu'il ne doit pas vivre ou à ce qu'il ne doit plus vivre. Ce n'est pas ce qu'il veut vivre qui est important, car ce qu'il veut vivre, c'est la paix. Mais ce qu'il ne veut plus vivre dans sa réalité pour lui permettre d'être dans son mental, dans sa paix, est nécessairement la plus grande des volontés dans l'homme. Les forces de la lumière ont besoin de l'homme dans ce contact télépathique avec lui parce qu'ils sont capables, dans la lumière de ce qu'ils sont, d'intercepter la vibration de l'homme s'il se reconnaît. Un homme qui se reconnaît a une vibration. Il participe pleinement à l'autosuffisance de sa conscience parce qu'il est en mesure de dicter le rythme de son évolution à la lumière. Comment cela se fait-il? Eh bien, la lumière doit, dans un parcours totalement différent avec l'homme, lui donner totalement accès aux clés de son intelligence, qui veut dire que ces clés d'intelligence sont aussi sa voyance à l'homme, de pouvoir dire à la lumière ce qu'il veut accomplir et que la lumière est obligée de répondre. Toute forme d'astralité non résolue dans l'homme coïncide avec un parcours qui n'est pas ajusté à la liberté de se reconnaître dans son intelligence. L'individu doit se reconnaître dans son intelligence pour avoir accès à la liberté, cela est bien entendu. Mais la liberté, qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est celle de savoir ce que l'on vit, tout le temps. Pas simplement de temps en temps, tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a une réalité, vous devez avoir des réponses dans l'immédiat. La liberté de se reconnaître ou l'intelligence de se reconnaître vient de trois réalités puissantes dans l'homme. C'est qu'il sait qui il est, il sait aussi qui sont les forces de la lumière et il sait aussi comment l'astral peut le déjouer et comment il peut interférer sur sa conscience pour le soumettre, lui, à une volonté qui ne sera pas la sienne. C'est quand l'homme est dans sa totale volonté face à sa vie, face aux événements, qu'il devient le maître absolu de la reconnaissance de ce qu'il est. Se reconnaître, c'est non pas applaudir ses coups gagnants, mais se reconnaître, c'est savoir que l'on chemine et que l'on avance dans une réalité parce que cela, nous la dictons, cette réalité, et que nous l'interceptons aussi sur les plans, car elle doit faire partie de sa conscience. Une personne qui a un travail et qui éprouve des difficultés dans un travail ne doit pas nécessairement abandonner ce travail. Elle doit poursuivre pour se reconnaître dans son intelligence à travers les obstacles et les oppositions qu'elle vivra. Se reconnaître dans son intelligence veut dire que l'homme sait voir les obstacles et voir aussi quels sont les obstacles qui le diminuent dans son trou vibratoire. Une personne qui se discrédite ou une personne qui se culpabilise ne peut pas se reconnaître dans son intelligence et ne peut pas non plus être libre. Toute volonté produite par l'ego doit venir de sa conscience en fusion avec le double. Une conscience en fusion, c'est quoi? C'est la capacité dans l'homme d'être vibratoire, de dicter par sa parole sa fusion. Et en dictant sa fusion, il peut intercepter la réalité dynamique de tout ce qui le précède, c'est-à-dire que sa voyance face à sa vie, va toujours dans le sens qu'il le sent. Si, supposons, vous quittez votre emploi et que vous sentez que vous avez à le quitter parce qu'il y a un meilleur emploi, vous devez le faire. Cela, c'est se reconnaître dans son indigence, car si vous ne le faites pas, vous allez être assujetti à une programmation d'âme qui peut s'éterniser. Pour arracher et casser l'astral ou casser toute programmation émise dans un agenda d'opposition, l'homme a possédé les clés de son intelligence. Les clés étant celles de sa voyance, et les clés de sa voyance doivent devenir aussi sa réalité virtuelle, en ce sens que l'homme doit voir sur les plans qui il est. Et s'il ne peut pas voir sur les plans qui il est, s'il ne peut pas savoir qu'il est un être de lumière autant dans la matière que sur les plans, il sera forcé d'abandonner tous ses projets parce que ceux-ci ne répondent jamais à aucun critère humain de la planète Terre. Tout ce que l'homme a à faire dans la reconnaissance de ce qu'il est, c'est d'amener sa vibration au plus haut point systémique possible qui lui permettra à lui, dans sa voyance, d'être libre et d'avoir la paix. Cela est simple. Si vous avez une réalité à accomplir, vous devez déjà avoir au minimum la ligne directrice de cette réalité à accomplir. Cela ne veut pas dire que vous aurez tous les détails, car vous n'avez pas besoin des détails. Une personne qui a besoin des détails, c'est une personne qui ne sait pas se reconnaître. Mais une personne qui sait voir la direction de sa vibration et qui veut l'amener dans la matière pourra toujours traiter avec les détails d'une façon totalement intelligente. Est-ce qu'il y a toujours des oppositions dans la liberté de se reconnaître? Évidemment. Une personne n'arrive pas à se reconnaître du jour au lendemain, mais une personne arrive à se reconnaître parce qu'elle prend un jour le taureau par les cornes et elle dicte sa volonté de ne plus vivre des réalités parce qu'elle sait que ces réalités l'empêchent nécessairement d'être libre. Involontairement, les forces de la mort jouent un rôle très puissant contre l'homme pour l'empêcher d'être libre. Et c'est ces forces que l'homme doit se libérer et se libérer aussi de ses forces, parce que sans la libération de l'homme des forces du monde de la mort sur sa réalité, il ne pourra pas se reconnaître intégralement. On voudra toujours dire à l'homme qu'il n'est pas puissant dans sa lumière, alors que dans le fait établi d'une conscience élargie, l'homme qui parle avec la lumière n'est pas dans une réalité absolue spirituelle d'intégrer la lumière. Ce qu'il veut, c'est arracher à la lumière son identité. Tous ceux qui sont des gourous, qui sont très près des architectures de la lumière spirituelle, voudront dicter à des entités du monde de la mort une réalité, mais la réalité qu'ils dicteront n'est pas celle de l'homme universel parce qu'elle appartient bel et bien au monde de la mort. Pour que l'homme traverse le monde de la mort dans sa parole, il doit avoir une liberté qui n'est jamais empreinte d'une liberté qui n'est pas sienne. Et un gourou n'est pas libre parce qu'il est manipulé dans sa conscience par des forces très occultes qui ne lui diront jamais qu'il n'est pas un être de lumière. Ils lui diront qu'il est un être de lumière et que sa lumière sert à faire évoluer la Terre, alors que dans la réalité et dans la fusion parfaite de l'homme, lorsque la lumière dit à l'homme qu'il est un être de lumière, elle sous-entend trois choses. Elle sous-entend qu'il est intelligent seul, elle sous-entend aussi qu'il est libre et elle sous-entend qu'il doit avoir arraché totalement sa paix à la lumière. Incidemment, est-ce que l'homme devient par la suite au service de la lumière? Il n'est jamais au service de la lumière et il sait très bien que l'évolution des hommes sur la Terre ne dépend aucunement de lui, mais dépend bel et bien des individus à pouvoir arracher eux-mêmes leur liberté de se reconnaître. Et pour se reconnaître, ils auront à traverser eux aussi le désert de la solitude, le désert de ne pas être bien dans leur peau. Et un jour, lorsqu'ils sont suffisamment saturés de ne plus être bien dans leur peau, ils agissent en fonction d'arracher à la lumière des réponses complètes à leur réalité. Ce faisant, une personne peut simplement dire à la lumière, j'aimerais que vous m'expliquiez ma vie. Et la lumière sera obligée de répondre si vous êtes capable de préciser les parties de votre vie. Si vous demandez à 5 ans, ils vous diront que vous aurez vécu à 5 ans ceci ou cela. Et si vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon passé que je dois régler? La lumière doit vous répondre. L'intelligence de se reconnaître, c'est donc cela, de faire la synthèse totale de son ego pour questionner la lumière et exiger de la lumière des réponses encore plus approfondies qui le mèneront à l'ultime liberté, soit de ne pas être assujetti en aucun temps à la réalité directrice de l'évolution de la Terre. L'homme n'a pas à agir sur l'évolution de la Terre, il a simplement à agir sur sa conscience pour se libérer lui-même des portes de l'astral et de rentrer dans le rayonnement cosmique de son être. Un homme cosmique, c'est ceci, c'est une vibration et c'est aussi de l'intelligence en fusion. Pour que l'intelligence en fusion traverse tous les mensonges, il est nécessaire que l'homme ait la paix dans son mental. Sans cette paix, l'homme ne se reconnaît jamais suffisamment parce qu'il est toujours tiraillé par des attributs astraux qu'il prendra pour sien alors qu'en fait, ces réalités ne lui viennent pas à la porte parce qu'il veut qu'elles soient là, mais elles viennent à sa porte parce que des forces d'involution ne veulent pas qu'il soit le maître absolu de sa réalité. Il y a beaucoup de divisions sur la planète Terre car les forces qui retiennent la conscience, c'est-à-dire les forces astrales qui ne veulent pas que la conscience se manifeste, agissent de plus en plus sur le caractère de la pensée. La pensée étant nettement plus astralisée et beaucoup plus rapide que jadis, car la vie est rapide et complexe. L'électrification de la société avec les réseaux sociaux amène énormément de personnes à ne plus savoir où se connecter ou où se brancher pour être dans leur propre paix. Et comme ils ne savent plus identifier quelle doit être la paix qui doit les habiter, ils se perdent davantage et c'est ce qui crée sur la Terre la cacophonie de l'astral. Il n'y a très peu d'endroits où l'homme peut se reposer, mais lorsqu'il sait se reconnaître dans son intelligence et qu'il a la liberté d'être libre face au plan invisible, cela veut dire que l'homme peut être partout et qu'il ne subit pas absolument rien dans son processus d'être partout. Parce que l'homme n'a pas l'ouverture dans sa conscience pour que l'astral le pénètre. Il a refermé ses positions et ses entrées que l'astral utilisait contre lui parce qu'il sait se reconnaître dans son intelligence pour dompter dans son intelligence l'astral qui voudrait peut-être encore le chevaucher. Ainsi donc, l'intelligence se reconnaître provient bel et bien de la capacité et de la force de l'ego à asseoir dans son verbe sa paix. Et tant que l'homme n'a pas la paix intégrale de son être pour discourir avec la lumière, il aura toujours des réponses incomplètes à sa vie et des réponses incomplètes sur la réalité qui englobe l'évolution des hommes de la Terre. Voici donc une question. Est-ce que le mouvement environnementaliste sur la planète Terre est un mouvement de liberté dans l'intelligence? La réponse est non. Est-ce que les égaux de la Terre auront la capacité de reconnaître que toute forme de non-intelligence retarde aussi la nature même de leur identité? Cela n'est pas possible car il y a beaucoup trop d'astralité chez les individus en lien avec ce qu'ils pensent pouvoir faire pour éclairer l'homme. L'homme ne peut pas éclairer l'homme s'il ne sait pas se reconnaître. Se reconnaître veut dire ceci. Cela veut dire que vous savez tout le temps ce que vous êtes. Pas simplement une fois de temps en temps, mais tout le temps. Et lorsque vous êtes tout le temps dans votre centricité, vous avez toujours la vibration de savoir ce que vous ne pouvez pas faire pour les hommes, mais ce que vous pouvez réaliser dans la volonté de votre intelligence pour créer dans la matière de la liberté. C'est-à-dire que si vous faites une conférence, si vous écrivez un livre, vous avez la capacité alors de générer dans cette création de la liberté si vous ne racontez pas de mensonges. Comment l'homme peut-il se reconnaître et savoir que peut-être il y a un mensonge en lui, cela est une question fort intéressante, et voici ce que les forces de la lumière répondront. Le mensonge substitue dans l'homme la vibration de son être à vibrer à de l'astral. Et c'est pour cela que l'homme, s'il vibre à de l'astral, il n'est pas capable d'établir la paix, de se reconnaître. Et pour se reconnaître, l'homme doit être dans sa conscience, capable de générer suffisamment de voyance pour savoir s'il se fait astraliser. C'est-à-dire qu'il suit son mouvement de très près, il reste près de lui-même, il regarde attentivement les gestes et les manières et même les pensées qui le traversent pour savoir si à quelque part en lui, il y a de la réflexion. Lorsque l'homme vit de la réflexion, il est nécessairement dans une forme de mensonge, parce que ce mensonge étant l'obligation nette et claire de le soumettre à un agenda qui n'est pas libre pour lui dans son intelligence, mais bien une intelligence réfléchie. Et quand l'intelligence est réfléchie, cela veut dire que la vibration de l'homme est diminuée, parce que l'intelligence de se reconnaître revient toujours dans la capacité et dans la volonté absolue de l'homme d'être libre de la terre et de tout ce qu'elle aura à vivre comme programmation. C'est certain que les années à venir seront les plus difficiles. C'est certain que les années à venir seront aussi les plus tumultueuses pour l'ego inconscient qui ne saura pas se reconnaître parce qu'il n'aura pas suffisamment travaillé sur lui pour être en mesure de faire ou d'établir un contact avec sa conscience qui n'est pas un lien spirituel avec les plans de la lumière. La spiritualité est forte sur la terre et tout ce qu'elle a besoin, cette spiritualité, c'est dans l'ego l'illusion que les plans de la lumière peuvent servir l'homme. Alors que le discours est beaucoup plus le contraire, c'est que l'homme aurait dû savoir depuis toujours qu'il doit arracher sa liberté et que la lumière est simplement une interface d'évolution pour lui dans la relation absolue que lui seul peut établir quelle sera sa paix dans la matière. Si la lumière doit établir la paix de l'homme, cela veut dire que l'homme est spirituel. C'est comme dire « Ah, merci mon Dieu, il fait beau aujourd'hui, je suis heureux. » Dans l'intelligence de se reconnaître, une personne provoque la nature même de son intelligence parce qu'elle veut que sa volonté d'établir sa direction et sa sensibilité pour abattre dans la matière son projet de création lui revienne sans cesse. Une réalité très grande aujourd'hui est celle-ci, c'est que l'homme n'arrive que très peu à créer de la liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'intercepter la vibration de la lumière dans son mental pour émettre lui-même sa propre vibration. Comment cela se passe-t-il? C'est que la lumière a toujours des esprits qui travaillent sur la forme et l'homme doit inverser la forme parce que lui seul peut intégrer la forme d'une façon si absolue pour la présenter à la lumière et c'est cela qui devient sa liberté. C'est cela être libre dans la matière, c'est-à-dire que la forme de la paix que l'homme présente à la lumière ne peut pas et n'est pas irréversible. Ceci étant dit, la lumière voudra questionner l'homme, mais l'homme saura déjà quoi répondre. Et c'est pour cela qu'on peut dire que la liberté dans son intelligence d'être libre et de se reconnaître est ultimement le plus grand principe de création dans l'homme, soit que sa lumière ne peut pas être contestée. Se reconnaître, c'est vouloir et savoir ce que l'on est. Vouloir dans le sens que vous n'abandonnez jamais, que vous êtes totalement scient des oppositions qui se construisent devant vous pour les briser. Et vous êtes totalement scient que vous devez arracher le savoir aux forces de la lumière, car ceux-ci savent que si vous n'êtes pas dans une capacité, dans une volonté absolue d'arracher ce que vous devez arracher, vous n'aurez jamais accès à de la liberté. Ceci est un principe vibratoire, ce n'est pas un principe réflectif, c'est un principe vibratoire parce que dans les oppositions, vous allez toujours sentir la volonté de la colère à générer dans votre parole votre propre opposition à la lumière. Cela ne veut pas dire que la lumière répondra à votre opposition, mais vous pourrez voir dans la forme de la création de votre identité, l'interface qui est en train de se transmuter, soit que vous n'avez plus à questionner la lumière pour savoir qui vous êtes, car c'est vous qui dites à l'homme qui vous êtes. Par exemple, une personne peut changer de travail plusieurs fois et penser que parce qu'elle change de travail, elle n'est pas intelligente. Mais lorsque la personne change de travail, elle doit savoir ceci, c'est que le travail qu'elle fait, s'il ne lui convient pas au niveau de sa liberté et de sa sensibilité, est toujours un travail insuffisant pour le développement de son intelligence et de sa liberté. La lumière le sait déjà, cela. C'est à l'homme, donc, d'arracher sa compréhension de ce qu'il est et de comment il agit face à sa réalité, car la lumière ne pourra jamais lui expliquer comment il est face à la vie. La lumière peut simplement lui expliquer comment la vie fonctionne et quelles sont ses lois. Pour que l'homme se reconnaisse dans la liberté de son intelligence, il lui faut donc la source même de sa parole, soit qu'il puisse déterminer avec précision ce qui ne va pas en lui. S'il change de travail parce qu'il s'ennuie, il doit le savoir. S'il change de travail parce qu'il y a trop de personnes qui sont inconscientes à l'endroit où il travaille, cela est encore une réalité que l'ego doit savoir. Et pour permettre la liberté, l'homme ne doit jamais penser qu'il n'est pas dans la vibration de ce savoir. Il n'a pas ensuite à dire « Ah, je ne suis pas assez tolérant ». L'homme n'a pas de défaut quand il est dans l'intelligence de sa paix et l'intelligence de se reconnaître n'a aucun défaut. L'intelligence de se reconnaître, c'est une vibration. La vibration, c'est de déterminer avec précision comment votre ego fonctionne en vous et comment aussi votre colère et votre volonté à ne jamais baisser les bras est plus grande encore que tout ce que la lumière pense pouvoir faire sur vous. Certes, la lumière veut que vous soyez le diamant parfait de ce qu'ils ont vu de vous, mais ils ne peuvent pas connaître non plus, lorsque le diamant se transforme, ce qu'il sera dans le futur. Parce que la volonté, la sensibilité, l'intégralité de l'intelligence de la forme dans l'homme à avoir pénétré la matière et de l'avoir dompté cette matière pour la forcer à être unie à sa paix et sa liberté dans son intelligence est ce qui permet à l'homme de savoir finalement qui il est. Ce n'est pas parce qu'une personne a une belle maison qu'elle est bien dans sa peau. Ce n'est pas non plus parce qu'une personne a une belle sexualité qu'elle sera bien dans sa peau. La réalité vibratoire d'être bien dans sa peau revient toujours du fait que l'homme peut se reconnaître sur trois plans. Il est libre dans son intelligence de dire à la lumière ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et il sait aussi comment être libre dans sa réalité à ne pas se faire prendre par l'astral. Cela étant dit, sa liberté d'être dans la paix de son intelligence est plus grande à ce moment parce qu'il peut toujours transcender des formes sans jamais payer un prix et se diminuer aussi dans le même processus puisque la fusion de l'homme à sa paix, sa liberté et son intelligence est ce qui fera de lui une source de savoir. En étant une source de savoir, l'homme a la capacité d'instruire la lumière de ce qu'il est. Et c'est cela, se reconnaître, dans le fond. De pouvoir instruire ceux qui l'ont créé et pour que cela se fasse et que cela se réalise. Il y a, bien entendu, l'expression même de la sensibilité de l'homme dans l'ego, qui doit toujours être au parfum des rendez-vous à ne pas manquer. Cela veut dire que si vous devez accomplir une réalité, sachez pourquoi vous devez l'accomplir et sachez aussi pourquoi, quelle sera la résultante de cette réalité que vous voulez accomplir. Parce que se reconnaître dans sa liberté, c'est aussi saisir vibratoirement qu'est-ce que vous voulez accomplir et pourquoi vous devez et vous voulez l'accomplir. Non pas pour enorgueillir votre mental, mais bien pour vous libérer des chaînes de l'évolution. Puisque les forces de la lumière ont très peu de restrictions au niveau du feu de leur volonté à faire éclater toute forme. Il en revient de même pour l'homme de faire éclater le mensonge sur sa conscience, parce qu'en faisant éclater le mensonge sur sa conscience, l'homme devient universel. Et en étant universel, il rejoint alors les plans parallèles Parce que se reconnaître sur le plan de la matière devient aussi se reconnaître sur les plans invisibles. Et c'est là que la liberté de l'homme grandit, et c'est la seule liberté que l'homme possède présentement, puisqu'il ne possède pas la liberté de transformer la forme pour l'instant. Cela viendra, mais pour le moment, il ne peut pas créer à partir des lois d'énergie de la matière. Et tant qu'il ne peut pas créer de la matière, sa seule et unique liberté viendra tout simplement d'être libre des plans parallèles au niveau de la puissance de se reconnaître dans ce qu'il est dans son intelligence, lui, face à l'évolution, à l'involution et aussi au projet créatif de sa propre conscience, d'être lui-même libre de tout ce qui peut se créer dans le futur au niveau de la matière et au niveau des plans parallèles. Tant que l'homme n'est pas en fusion avec le degré de reconnaissance qu'il doit avoir pour être bien dans sa peau tout le temps, il ne peut pas se reconnaître dans sa liberté, car sa liberté vient du fait que l'homme doit vivre le bien dans sa peau tout le temps. Cela veut dire, même quand ça va mal, ça va bien tout le temps dans sa tête. Et quand ça va bien tout le temps dans sa tête, c'est parce qu'il est capable de toujours lire la vibration et de toujours savoir qu'est-ce qui se présente à lui, parce que vibratoirement, il se met en focus pour établir la direction. Vous rentrez dans un café et vous voyez qu'il n'y a pas d'endroit pour vous asseoir jusqu'à ce que votre mental s'oriente et vous dise « Oui, attends 2 minutes, 1 minute, il y aura une liberté qui se produira » et c'est cela généralement qui se produit. 2 personnes se lèvent et voilà, vous avez la capacité de vous reposer parce que pour que l'homme puisse se reposer, il doit avoir cette voyance tout le temps. Elle ne doit pas être temporaire, elle doit être une vibration parce que se reconnaître, c'est une vibration. C'est la puissance de décider comment doit se vivre votre vie sans que cette volonté soit interceptée par de la crainte. Quand il y a de la crainte dans l'homme, c'est-à-dire le mensonge, parce que la crainte est un mensonge, c'est de dire à l'homme qu'il doit craindre sa vie, alors que l'homme, s'il se reconnaît, il ne craint jamais rien. Il fait simplement constater, étudier, et s'il peut agir, il agit. Et s'il ne peut pas agir, il attend pour savoir quand est-ce qu'il doit agir. Parce que sa volonté ne le quitte jamais, son intelligence ne le quitte jamais, et le bien dans sa peau fait en sorte qu'il voit et il saisit les ouvertures, les portes qui s'ouvrent, et il prend dans cette puissance de voir quelle porte s'ouvre à lui, pour que se permette dans sa conscience une liberté beaucoup plus grande que celle qu'il avait vécue hier. La fusion de l'homme avec sa liberté, c'est d'être dans la totale harmonisation de ce centre d'énergie, soit qu'il n'y a pas aucune interférence qui peut le brimer, parce qu'il est dans la beauté absolue d'être toujours sensible à sa voyance, à sa vie, et à sa volonté de faire descendre dans la matière tout ce qu'on ne lui dit pas. Arracher pour l'homme sa liberté est la seule reconnaissance qui lui permettra d'être libre. En conclusion, l'homme ne meurt jamais dans cette liberté, car les projets qui se placent dans son mental sont toujours une réalité vibratoire que lui amène à se réaliser parce qu'elles font partie intrinsèquement de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a à accomplir dans la matière. Et une personne qui ne sait pas ce qu'elle vient faire ou ce qu'elle doit accomplir dans la matière ne sait pas se reconnaître. Et l'homme, la femme, doivent, dans un immédiat absolu, arracher cette volonté à savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre, car se reconnaître, c'est implicitement dire à l'invisible tout le temps ce que vous êtes. Ce n'est pas au double. Le double est déjà intégré à votre conscience et ce n'est pas à la lumière de dire qui vous êtes. C'est à vous de dire à la lumière ce que vous êtes et ce que vous voulez accomplir, tout en sachant que le temps de réalisation est aussi arraché par l'homme selon sa volonté à faire plier l'invisible. Mais cela est très difficile de faire plier l'invisible, puisqu'il faut à l'homme une fusion très avancée de la volonté systémique et vibratoire de pouvoir se dématérialiser sur les hauts plans de la mort pour que le plan de la mort éclate en lui. Ceci étant dit, l'homme n'a plus de crainte. Et quand l'homme n'a plus de crainte, il fait éclater le mensonge de croire qu'il ne peut pas avoir la volonté de générer dans la matière de la liberté. L'homme peut générer de la liberté, mais il faut qu'il se reconnaisse. Et lorsque l'homme demande à la lumière ceci, à quel moment savez-vous qu'une personne se reconnaît assez pour que vous puissiez plier ou encore que vous puissiez écouter ce que l'homme a à dire? Cela, nous le savons, lorsque l'homme n'est pas dans une conscience réflexive, nous savons qu'il a la capacité de manipuler la matière dans le sens de manipuler la forme au sens strict du terme. Il peut agencer dans sa sensibilité une forme et la rendre encore plus belle. Et c'est pour cela que nous savons que seul l'homme peut être libre dans ce grand projet de la Terre parce que lui seul aura été capable d'agencer des formes de la matière et agencer sa vie pour que la paix qu'il a en lui soit permanente. Nous ne pouvons pas accomplir la paix dans l'homme, c'est l'homme qui accomplit la paix dans lui. Et ce principe de se reconnaître dans sa paix est ce qui nous permet à nous, les forces de la lumière, d'être totalement intelligents de ce qu'il est. Nous avons toujours été intelligents de ce qu'il est, mais nous ne pouvons pas non plus interposer dans la matière des formes qui feront obstacle à la capacité de l'homme de se reconnaître intégralement. Et c'est pour cela que lorsque l'homme se reconnaît intégralement, il est capable et en mesure d'intercepter l'astral en lui tout le temps. Voilà donc le propos de la lumière sur la réalité de la conscience en fusion de l'homme. C'est que l'homme, dans l'intelligence de se reconnaître, est un être totalement libre. Il est totalement libre parce qu'il n'a pas à se réfléchir et il n'a pas à demander ou il n'a pas à craindre la vie parce qu'il la dicte, cette vie, au fur et à mesure qu'il saisit qui il est et quelle est sa vibration pour accomplir et arracher ce qu'il doit. Le projet de l'homme, ce n'est pas d'être assujetti aux forces de la lumière. Le projet de l'homme, c'est le suivant, c'est de dompter l'astral en lui pour qu'il soit lui-même le maître absolu et le soleil de conscience totale de sa propre lumière dans la matière qui se résume à trois choses, la paix, la volonté et l'intelligence de la liberté dans lui. La liberté de l'intelligence dans lui, c'est ceci, c'est être total en volonté et c'est être aussi total dans la réalisation des projets qu'il entend. Pour que la paix soit permanente dans le mental de l'homme, il a besoin d'être bien dans sa peau tout le temps et il a aussi besoin de la voyance, de sa sensibilité à saisir la direction tout le temps pour qu'il sache en permanence qu'il ne se trompe jamais. L'homme intégral, dans la liberté de sa reconnaissance avec les plans, est un être finalement libre de sa programmation. Car sa programmation, même si elle agit sur sa conscience, elle ne lui cause aucun souci puisqu'il est déjà vibratoirement au-dessus de celle-ci. C'est-à-dire que l'esprit de la forme dans l'homme est déjà plus grand que la forme en elle-même. Voilà pourquoi l'homme est libre et voilà pourquoi l'homme a la capacité vibratoire de dicter dans une présence absolue le bien dans sa peau qu'il veut accomplir dès maintenant. Si jamais vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous devez forcer ce bien-être le plus rapidement possible. C'est-à-dire, vous devez intercepter les courants astraux qui vous empêchent d'être bien dans votre peau. Et lorsque vous êtes bien dans votre peau, vous avez la certitude par la suite qu'il y a eu des entrées astrales qui ont agi sur vous pour ne pas être bien dans votre peau. Et c'est ça l'intelligence de se reconnaître, de savoir ce qui agit sur soi. Tout le temps. Pas de temps en temps, mais tout le temps. Et quand l'homme a cette vibration de saisir tout le temps ce qui se passe en lui, il devient un conquérant des formes. Il est au-devant de la forme. Il voit déjà ce qui se produira s'il émet telle réalité, telle parole pour dicter dans la matière son rayonnement. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas écouter l'homme et l'homme doit le savoir et c'est pour cela qu'il ne perd pas par la suite de temps à essayer de convaincre des gens parce que vibratoirement, l'homme n'a pas à être convaincu, l'homme a à savoir. Cela aussi est un principe de reconnaissance, de ce savoir. Et ce savoir, c'est toujours être bien dans sa peau.